Protestants, catholiques et orthodoxes, maintenant sur RCF, voici le magazine écuménique présenté par Béatrice Soltner. Bonjour à tous. Le COE, le Conseil œcuménique des Églises, vient de tenir son comité central à Genève du 30 août au 6 septembre. Les 150 délégués du Conseil ont clos leurs travaux en adoptant une douzaine de déclarations, dont la plupart ont trait à l'actualité du monde et des communautés chrétiennes. Rappelons que le Conseil œcuménique des Églises rassemble plus de 340 églises d'une bonne centaine de pays. Les orthodoxes et les protestants sont membres du COE, mais pas l'Église catholique qui participe néanmoins à quelques travaux. Jean-François Culafros de RCF Haute-Savoie a suivi ce comité central. La situation au Moyen-Orient, Liban, Israël et Palestine, aux Philippines, au Sri Lanka, mais aussi au Darfour ou au Kosovo, était au cœur des débats. Le sort des enfants pris dans les guerres, notamment dans le nord de l'Ouganda, la question du VIH-Sida, comme de l'objection de conscience au service militaire, ou sur un autre terrain du commerce équitable, ont été abordés par une assemblée renouvelée et rajeunie. Les relations interreligieuses étaient un point présent dans toutes les discussions, mais elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, sans doute parce qu'elles traversent tous les chantiers que le Conseil œcuménique des Églises a mis à son programme pour les 6 années à venir. C'est un défi qu'a bien perçu le père Gosberg Biamingu, un observateur catholique, membre de la commission pontificale pour l'unité des chrétiens. Pour le monde aujourd'hui, c'est l'islam qui s'engage pour la pauvreté au monde, pour la justice au monde. Alors, il faut que l'Église, aux chrétiens, prennent conscience. C'est la mission de l'Église maintenant, se préoccuper avec la pauvreté au monde. Autrement, l'islam va être pris comme représentante de celui qui souffre, de celui qui a besoin de solidarité. Une des premières occasions de dialogue approfondi avec les représentants musulmans dans le monde devrait avoir lieu lors d'une mission au Soudan que le Conseil œcuménique des Églises a décidé d'organiser prochainement. À Genève, Jean-François Culafros, RCF Haute-Savoie. Et des chrétiens du monde entier se sont retrouvés à Genève pour évoquer les questions d'actualité et l'avenir de l'écuménisme. Parmi eux, l'archimandrite Job Getcha, prêtre impliqué dans le dialogue entre orthodoxes et catholiques. Jean-François Culafros l'a rencontré pour évoquer avec lui la prochaine visite de Benoît XVI en Turquie. Le pape, je vous le rappelle, doit rendre visite au patriarche de Constantinople du 30 novembre au 1er décembre. Ce sera un grand événement. Nous voyons également dans le dialogue, en ce qui concerne plus précisément le dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, nous espérons beaucoup avec Benoît XVI, ne serait-ce que par sa rigueur en matière de théologie, d'ecclésiologie. Disons, le pape Benoît XVI est très bien vu par les orthodoxes, est estimé en tant que théologien, en tant que personne. Et c'est quelqu'un avec qui l'Église orthodoxe peut véritablement dialoguer. Donc nous espérons beaucoup pour l'avancée du dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Dialogue théologique qui a été relancé récemment. Disons, la visite de Benoît XVI au patriarcat œcuménique le 30 novembre prochain sera une visite historique qui marque de nouveau un nouveau souffle dans le dialogue œcuménique. Vous parliez d'ecclésiologie, est-ce que en termes donc de ministère, de pierre, de primauté, est-ce que là-dessus on pense que effectivement on va vers un rapprochement aussi? Alors, il s'agit évidemment donc de bien comprendre la primauté. Dans l'Église orthodoxe, le principe de primauté existe dans les patriarcats et on parle toujours des primautés, non pas de la primauté. Et je crois que le pape Benoît XVI, ne serait-ce que dans ses écrits en tant que théologien, a déjà soulevé la question pour, par exemple, une certaine décentralisation de l'Église catholique romaine. Une décentralisation qui existait au premier millénaire. Et évidemment, si l'Église catholique romaine va dans ce sens, eh bien, il pourrait y avoir un progrès énorme qui se fasse dans l'évolution des relations entre les catholiques et les orthodoxes. Et les deux églises vont se remettre au travail très prochainement, puisque la commission mixte internationale catholique-orthodoxe va se retrouver dans quelques jours à Belgrade. Frère Roger s'est-il converti au catholicisme? Cette question n'est pas nouvelle, mais elle ressurgit régulièrement. L'historien Yves Chiron, proche des milieux traditionnalistes, l'affirme dans l'une de ses récentes publications. Aussitôt, frère Aloïs, le nouveau prieur de la communauté, a démenti ces allégations. Yves Chiron évoque un épisode qui date des années 70, alors il faut revenir aux faits. À l'époque, le premier frère catholique veut s'engager à vie. Frère Roger va voir l'évêque d'Autun. Il est pour lui indispensable que cet événement si important pour la communauté ne puisse se vivre autour de la même table eucharistique. Après avoir récité le credo, frère Roger reçoit la communion des mains de Monseigneur Le Bourgeois. C'est cet acte qui est considéré aujourd'hui par certains pour une conversion. Mais pour frère Aloïs, parler de conversion à propos de frère Roger ne correspond en rien à la réalité. C'est complètement déformé la démarche de frère Roger, parce qu'il cherchait un autre chemin qu'une conversion individuelle. Après le Concile Vatican II et Jean XXIII, la communion avec Jean XXIII qui existait, frère Roger voyait que le temps d'une réconciliation est venu et qu'il y a une autre démarche que seulement une conversion personnelle qui devient possible. On l'a vu à plusieurs occasions communier lors de messes catholiques, ce fut le cas notamment aux obsèques de Jean-Paul II, et c'est vrai que ça avait suscité pas mal d'interrogations. Quelle était sa démarche exactement ? Mais depuis 25 ans, frère Roger a communié à Saint-Pierre, à Rome et à la messe catholique. Parce que pour l'unité de l'Église, pour frère Roger, deux points étaient essentiels. C'était communier ensemble et pour lui, c'était de recevoir l'Eucharistie de l'Église catholique et le ministère d'unité que l'évêque de Rome a accepté de se référer à ce ministère. La démarche de frère Roger s'est concrétisée en 1972, quand le premier frère catholique s'apprêtait à faire l'engagement à vie, le vœu perpétuel dans notre communauté, et frère Roger disait « mais nous devons communier à la même table ». Et avec l'accord de l'évêque d'Autun, frère Roger a communié pour la première fois. Et c'est cette démarche qu'il a fait en 72. Pour cela, l'évêque n'a demandé rien d'autre que réciter les credo. Frère Roger a récité les credo qu'on dit chaque dimanche à l'Eucharistie, et c'était tout. Après, l'évêque, Monseigneur Le Bourgeois, l'évêque d'Autun, est venu à Thésée célébrer l'Eucharistie et donner la communion à tous les frères. Et beaucoup d'évêques ont accueilli cette démarche, et Jean-Paul de lui-même a accueilli cette démarche de frère Roger en donnant la communion à frère Roger. Donc en 1972, à Autun, il a confessé le credo comme tous les chrétiens, mais il ne s'est pas converti. Non, il n'y avait pas d'acte canonique de conversion. Alors que signifie cette démarche très particulière, très originale de frère Roger, qui peut surprendre tant chez les catholiques que chez les protestants ? Oui, je comprends que cela peut surprendre parce que c'est inédit depuis la réforme. Il y avait seulement des conversions individuelles d'une confession à une autre. Et frère Roger cherchait un autre chemin parce qu'il voyait l'urgence. Pour transmettre la foi aujourd'hui aux jeunes, nous devons chercher des chemins d'unité dans l'Église. Nous ne pouvons plus transmettre l'Évangile aux prochaines générations tout en entretenant nos séparations. Alors, c'est pour ça que frère Roger cherchait ce chemin qu'il a exprimé en 1980 à Saint-Pierre, de Rome, devant Jean-Paul II, en disant « J'ai trouvé ma propre identité de chrétien en réconciliant en moi-même la foi de mes origines avec le mystère de la foi catholique sans rupture de communion avec quiconque. » En ce sens, le mot conversion n'est pas du tout approprié, il faudrait mieux parler de réconciliation. D'une communion, d'une pleine communion et réconciliation, c'est juste. Parce que le mot conversion, c'est tellement chargé avec une histoire d'abjuration et frère Roger ajoutait, j'ai trouvé mon identité chrétienne en réconciliant ma foi des origines avec le mystère de la foi catholique, mais sans rupture de communion avec quiconque. Donc la réconciliation comme un élargissement et pas comme une abjuration. Frère Aloïs, je suppose que un an après le départ de frère Roger, cette hypothèse, ces informations ont dû vous secouer, ont dû vous faire de la peine? Ça fait mal parce que on peut être pour ou contre la démarche des frères Roger, mais nous avons le droit de demander de faire un effort pour comprendre la démarche des frères Roger et de voir que cette démarche de compréhension n'a pas été faite. C'est très triste et, parce qu'il s'agit de la crédibilité de notre vie et de tout ce que nous vivons avec les jeunes. Frère Aloïs, le nouveau prieur de Thésée. Alors à noter aussi la réaction indignée de Monseigneur Daucourt, actuellement évêque de Nanterre, membre du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Daucourt explique que toute admission à la pleine communion dans l'Église catholique pour un baptisé suppose un document écrit et signé. Or, aucun document de ce genre n'existe pour frère Roger. Pour le pasteur Gilles Daudet, responsable des relations écuméniques à la Fédération protestante de France, il faut respecter la mémoire de frère Roger. Il faut s'en tenir à ce que frère Roger déclarait. On peut toujours faire parler les morts, ça c'est peut-être intéressant pour certains, mais ce que lui déclarait, c'était que il avait réconcilié en lui-même les deux traditions et qu'il les vivait de manière réconciliée. Alors, je vois pas pourquoi il faudrait récupérer confessionnellement ce que lui ne voulait pas justement inscrire dans une alternative confessionnelle, en quelque sorte. Respectons la démarche de frère Roger, qui était au-delà des clivages confessionnels, pour qui, au fond, on pouvait être à la fois et catholique et protestant, en étant au fond chrétien et en épousant l'ensemble des convictions de nos églises. Pour lui, ça faisait une sorte de chemin qu'il faisait d'ailleurs en mémoire de sa mère. Ça remonte très loin. Alors, cette démarche, visiblement, dérangeait du vivant de frère Roger et elle continue à déranger? Oui, ça je crois qu'elle continue à déranger parce qu'elle ne rentre pas dans les cadres écuméniques, même les cadres écuméniques les plus avancés de nos églises. On en est encore aujourd'hui avec des critères d'ecclésiologie, pour parler théologique, hein, avec des critères qui font que soit on est l'un, soit on est l'autre, mais on peut pas être les deux, de manière réconciliée. Et alors, effectivement, ça nous surprend, ça nous déplace, ça nous interpelle. D'où toujours la tendance à vouloir récupérer les choses d'un côté ou de l'autre. Hein. Moi, je me bats contre un certain nombre de protestants qui disent, ben voilà, frère Roger est catholique. Je dis non, c'était pas la démarche, mais je me battrai aussi contre les catholiques qui diraient, frère Roger s'est converti au catholicisme. Je crois que c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, je ne suis pas juge de son fort intérieur, hein, je n'étais pas dans son cœur, mais dans ses déclarations, et si on s'en tient à ce qu'il est dit, et il me semble que quand un personnage est mort, on peut guère aller au-delà, on ne peut pas entrer dans une récupération confessionnelle comme cela. Donc, frère Roger était sur la crête, hein, et c'était un peu difficile ce chemin, et il reste assez incompréhensible avec notre raison, notre manière de regarder l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est totalement hors de nos cadres, hors de nos catégories, et c'est pour cela que c'est difficile de le comprendre, hein, au fond. On est toujours, il était un petit peu au-delà, il était ailleurs. Alors, on peut contester ou pas contester cette manière de faire de l'écuménisme, hein, mais en tout cas, au moins, il faut la respecter telle qu'elle est. Voilà. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire valoir. Le pasteur réformé Gilles Daudet qui nous invite donc à respecter la mémoire de frère Roger. RCF, la vie des églises chrétiennes. Depuis la semaine dernière, nous avons entamé dans ce magazine une grande série sur l'orthodoxie. Dans le rôle de guide, c'est le théologien Michel Evdokimov qui nous accompagne. Après avoir parlé du baptême, nous évoquons cette semaine un autre sacrement, l'Eucharistie. L'Eucharistie, la liturgie eucharistique, nous disons la liturgie tout simplement. Là, vous dites la messe et où les protestants disent le culte. C'est très visuel. Il y a les chants, il y a les cierges, il y a les icônes, il y a les ornements, il y a tout le déploiement dramatique. Après tout, l'Eucharistie, c'est un drame sacré, un drame tel qu'il peut être joué. Qui rappelle la passion. Qui rappelle le drame de la passion et de la résurrection, et de la Pentecôte. Mais ça, j'y reviendrai. Je crois que ce qui caractérise la liturgie eucharistique de l'Église orthodoxe, c'est l'accent très fort, justement, mis sur la Pentecôte, c'est-à-dire mis sur cette prière adressée au Père d'envoyer son esprit sur les dons, sur le pain et sur le vin. Nous te prions et nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici offerts. et fais ce pain corps de ton Christ, et ce qu'il y a dans le calice sang de ton Christ, échangeant par ton Esprit Saint. Et l'assemblée, à ce moment-là, se prosterne en disant par trois fois Amen, Amen, Amen. Vous voyez, c'est l'assemblée qui scelle ce don de l'Esprit Saint. Peu de temps auparavant, il y aura eu les paroles d'institution de la scène par le Christ. Mangez ceci est mon corps, prenez, buvez ceci est mon sang qui a été versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Mais si vous voulez, ces deux moments, le moment des paroles de l'institution de la scène par le Christ et les moments des dons de l'Esprit Saint envoyés par le Père, ces deux moments sont tout à fait indissociables. Le service de préparation, il y a une particularité, je crois. Alors, quand moi je viens, j'entre dans l'église, l'église est vide, ou plutôt elle est pleine, parce qu'il y a tous ces visages peints sur les icônes qui m'accueillent. Et en tant que prêtre, j'ai des prières à dire et je dois préparer les oblats, c'est-à-dire les dons, le pain et le vin. Sur la patène, je vais mettre un agneau, c'est-à-dire je découperai en carré un morceau de pain dans un pain rond qui est fabriqué spécialement pour cela. Nous avons du pain levé, nous n'avons pas du pain azim, ces gaufres que vous consommez lorsque vous communiez. Et ensuite, je vais découper des parcelles en l'honneur de la Vierge Marie, en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, en l'honneur des prophètes, en l'honneur des apôtres, en l'honneur des saints de tous ordres. Et ensuite, les fidèles vont apporter des listes de noms pour les morts, de noms pour les vivants, pour lesquels ils veulent intercéder au cours de ce mystère eucharistique. Et avec ces listes de noms, ils adjoignent des prosphores, c'est-à-dire des petits pains ronds qu'ils trouvent dans une corbeille. Et en lisant ces noms, le prêtre prélève une parcelle de pain qu'il met sur la patène. Cette parcelle est en quelque sorte chargée de la présence des noms qui ont été invoqués. Et à la fin de la liturgie, toutes ces parcelles seront immergées dans le sang du Christ. Autrement dit, tous ceux pour qui vous aurez intercédé, les vivants et les morts seront unis mystiquement, mystérieusement au sacrifice eucharistique, et c'est ce que nous appelons l'Église, la communion des saints, l'Église sur terre et l'Église au ciel qui célèbre les mêmes mystères, sauf que dans le ciel c'est une liturgie éternelle et que ici sur terre nous reprenons la liturgie à tel ou tel moment, tous les dimanches par exemple. Mais c'est la même liturgie, c'est le même partage du pain et du vin que le Christ a opéré le soir du Jeudi Saint avant de mourir. Et ce sont les mêmes noms de l'Esprit Saint que les apôtres ont reçus le jour de la Pentecôte. Dans une église orthodoxe, vous êtes en général debout. Il peut y avoir des enfants. Françoise Dolto, la psychanalyste, était assez émerveillée de voir... Son mari était d'origine russe et orthodoxe. Elle allait à la cathédrale russe de Paris, à la rue Daru. Et elle était émerveillée de voir que les enfants circulaient dans l'église. Ils allaient mettre un cierge. Ils allaient éteindre un cierge qui avait fini de brûler ou qui était sur le point de finir de brûler. Il y a comme ça une certaine liberté. Alors évidemment, dans l'église orthodoxe, parfois on arrive en retard ou on part avant la fin. Vous voyez, il y a un certain désordre et en même temps... Une liberté peut-être aussi. Une liberté, oui, certainement. Une liberté, mais la rançon de la liberté, c'est que parfois les gens en prennent un petit peu à leur aise. Mais c'est parce que les cérémonies sont longues. Oh, elles sont pas tellement longues. Vous savez, la liturgie eucharistique du dimanche matin dure une heure et demie. Alors, évidemment, il y a des personnes qui viennent se confesser avant la liturgie, donc ça, pour elles, ça va durer peut-être 2 heures. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est que 2 heures? Enfin, c'est pas grand chose. Peut-être aussi ce rite des en dehors du rite des cierges. Vous voyez, on va déposer un cierge, on va embrasser une icône, etc. Je me souviens que quand j'étais chef de chœur, il y a bien longtemps de cela, notre fille, elle avait quoi, 3-4 ans, de temps en temps, elle s'approchait de moi et puis elle me disait « Papa, petit baiser, icône ». Elle voyait les gens qui embrassaient les icônes et elle avait envie d'en faire autant. Alors je la prenais dans mes bras, je laissais là ma chorale pour un petit moment et je lui faisais faire ce rite qu'elle désirait accomplir et qui était peut-être pour elle sa manière de dire son amour à Dieu. Pourquoi pas? Et puis il y a aussi un autre rite auquel nous tenons beaucoup et qui est le rite de l'encens, qui est peut-être un peu tombé en désuétude dans l'église catholique, sauf dans les monastères. Le rite de l'encens qui est là, et je crois que l'encens est à la fois la prière que nous élevons vers Dieu, ça c'est le psaume qui le dit, n'est-ce pas? L'encens c'est l'odeur, la bonne odeur de la sainteté. Enfin, on peut trouver des tas de symboles dans le rite de l'encens, mais ce qui me paraît plus important, c'est que l'encensement est un acte de vénération. Vous voyez, on le dit d'ailleurs, encenser quelqu'un. C'est un acte de vénération. Le prêtre commence par encenser l'autel, qui est en quelque sorte le trône de notre Seigneur dans l'Église. Ensuite, il encense les icônes, c'est-à-dire l'image de Dieu parvenue à sa plénitude et à tout son éclat de perfection chez l'être humain. Et ensuite, il encense les fidèles. Alors évidemment, nous ne méritons pas en tant qu'être humain d'être encensé, mais ce que le prêtre encense, c'est l'image de Dieu qui est en tout être humain. Donc si quelqu'un vient dans l'église, il est croyant, il n'est pas croyant, il sera englobé avec les autres dans ce rite de l'encensement, tout comme il sera englobé avec les autres dans cette demande de l'Esprit Saint, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici offerts. Et il peut y avoir une participation de ceux qui, pour telle ou telle raison, ne peuvent pas communier, une participation quand même au grand mystère accompli pendant la liturgie eucharistique. Alors peut-être un dernier point, les pratiquants orthodoxes sont invités à quelle fréquence à participer à cette liturgie eucharistique? C'est tous les dimanches? Ça peut être plus souvent? Ça varie beaucoup, d'une paroisse à l'autre, d'un pays à l'autre. Les orthodoxes ont un tel sentiment du sacré vis-à-vis de la communion que une grande partie d'entre eux communient rarement. Parce qu'ils vont jeûner pendant 3 jours avant de communier. Vous comprenez, quand vous menez une vie ordinaire, c'est difficile. Ils vont jeûner, ils vont se confesser, ils vont lire des tas de prières très compliquées, de pénitences, etc. Alors dans bien des paroisses, il y a ce qu'on appelle un renouveau liturgique, où l'on invite les fidèles à communier régulièrement, le plus régulièrement possible. Et n'oubliez pas que l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est un réfectoire. Si je puis dire, c'est une salle à manger. Nous sommes là pour communier par l'acte du manger et du boire, cet acte qui nous rend vivants, qui maintient la vie en nous, à communier à notre Dieu. Et cet acte est l'acte le plus important. Donc il est tellement important que, évidemment, parfois, certains pensent qu'ils ne peuvent accomplir cet acte que rarement. Mais d'autres pensent autrement. Moi, j'invite mes fidèles à venir communier, à se préparer, à jeûner quand même. Depuis la veille au soir, en tout cas, ils sont à jeun. Je leur demande de faire cet effort. Et il ne faut pas aller à l'église les mains dans les poches en disant on va passer un bon moment parce qu'à la sortie on va retrouver les copains. C'est pas ça. On va à la rencontre de Dieu et on va communier avec lui et c'est lui qui nous donnera son amour et cette possibilité de faire rayonner l'amour et l'amitié autour de nous. Le père orthodoxe Michel Evdokimov que nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de la prière. Tini